On veut taper cette piste comme on veut taper du Yassa. Quand elle tape la démarche, tout le monde se demande qu'est pas ça. Pour elle, je suis prêt à payer plus qu'un mezzo di pasta. Combien ont essayé sans y arriver? Faut surtout pas twerker ou on va décider. Tout le monde attend son tour, il faut te décider. Même si tout est refait, on va tout consommer. Paraît que c'est une tape, on veut pas savoir. Paraît qu'elle est mariée, nous on veut pas savoir. Paraît qu'elle nous méchonne, on veut pas savoir. C'est pas ses vrais cheveux, nous on veut pas savoir. On veut taper cette piste comme on veut taper du Yassa. Quand elle tape la démarche, tout le monde se demande qu'est pas ça. Pour elle, je suis prêt à payer plus qu'un mezzo di pasta. Combien ont essayé sans y arriver? Faut surtout pas twerker ou on va décider. Tout le monde attend son tour, il faut te décider. Même si tout est refait, on va tout consommer. Paraît que c'est une tape, on veut pas savoir. Paraît qu'elle est mariée, nous on veut pas savoir. Paraît qu'elle nous méchonne, on veut pas savoir. C'est pas ses vrais cheveux, nous.